Chapitre 14e. Jamais Madame Fourcy n'avait été aussi jolie qu'en se mettant à table, et elle eût assurément fait la conquête de M. Amédée Charlemont, placé à sa droite, si celui-ci avait pu prêter attention à une femme qui avait dépassé la trentaine. 25 ans pour lui était déjà un âge vénérable, 30 ans quelque chose d'antédiluvien, et puis quand on avait de grands enfants, comme Lucien et Marcel, on n'était plus une femme, on était une mère. Il les respectait, les mères, c'est-à-dire qu'il leur adressait la parole de temps en temps, sans trop savoir ce qu'il leur disait et sans suivre ce qu'elle lui répondait, mais il ne les regardait pas, et même il ne les voyait pas, ayant le bonheur d'être ainsi organisé que ce qui lui était désagréable ou antipathique n'existait pas pour lui. Ce qui faisait la beauté de Madame Fourcy ce soir-là, ce n'était point une toilette bien réussie, car elle n'avait jamais été plus simplement habillée, plus modestement, sans un seul bijou, comme une bonne petite bourgeoise, ne portant à sa main ordinairement brillante de pierreries qu'un seul petit anneau d'or, celui de son mariage. C'était l'éclat de la physionomie, la gaieté du regard, la sérénité du sourire qui reflétait sur son visage la satisfaction profonde d'une âme parfaitement heureuse. Et de fait, elle l'était pleinement. Pour la première fois depuis 10 ans, elle se trouvait débarrassée de tout souci, de tout tracas, et sa situation était celle d'un commerçant qui se retire des affaires après fortune faite. En elle, autour d'elle, partout où elle portait les yeux, elle ne voyait que des sujets de satisfaction. Son mari, son bon Jacques, en passe de gagner rapidement des millions et de faire grande figure dans le monde. Lucien, l'héritier, le successeur de son père. Marcel, une grande dame, une marquise, car Evangelista, bien certainement, allait maintenant se retourner de ce côté et elle aurait le plaisir d'avoir pour gendre un homme charmant dont elle n'avait pas voulu pour amant. Le vieux, l'horrible, l'infâme Ladret, congédié. Robert, en bonne voie de guérison, car, puisqu'il avait accepté la combinaison d'une maîtresse, il était bien évident qu'à un moment donné, il se laisserait distraire par cette maîtresse qui tiendrait à se l'attacher sérieusement et finalement il se consolerait. Quel soulagement, et aussi quel triomphe! Quelle bonne raison n'avait-elle pas pour se réjouir et même pour s'enorgueillir d'avoir ainsi amené sa barque à bon port au milieu des écueils et sur une mer fertile en naufrage? Qui eût pu la contrister, affaiblir sa joie ou abaisser son orgueil? Elle ne le voyait pas, elle ne le sentait pas, car le blâme qu'elle aurait encouru et l'opprobre dont elle aurait été frappée, si la vérité avait été connue, ne serait venu selon son sentiment personnel que de préjugés pour elle absolument vains. En réalité, quel mal avait-elle fait? Aucun, puisqu'elle n'avait pas à se reprocher d'avoir jamais ruiné personne. Quel tort avait-elle fait à son mari? Aucun, puisqu'elle avait toujours été pleine d'une tendre affection pour lui, et qu'elle s'était appliquée à le rendre heureux, sans qu'il pût demander, sans qu'il pût souhaiter plus qu'elle ne lui donnait. Pendant ces dernières années de lutte, elle seule aurait pu se plaindre, car elle avait eu plus d'une fois des heures de lassitude et de dégoût. Elle ne l'avait pas fait pourtant, elle avait persévéré, quoi qu'il lui coûtât, et maintenant, elle pouvait justement se féliciter de son courage en voyant comment elle avait été payée de sa peine. Et pensant à cela, elle promenait des regards pleins d'une satisfaction attendrie autour d'elle, sur son mari et ses enfants, aussi bien que sur sa table luxueusement servie, sur son buffet chargé d'une vieille argenterie magnifique et de porcelaine rare, sur les cuirs de cordoue qui décoraient les murs de la salle, sur les portières en velours de Gênes. À qui était-il dû ce luxe dont jouissait son mari ainsi que ses enfants et dont elle jouissait elle-même, si ce n'est à elle et à elle seule? Sans elle, où seraient-ils tous en ce moment? Dans quelque pauvre maisonnette à l'étroit, autour d'une table servie en faïence anglaise avec un horrible papier imitant le cuir collé sur les murs. Est-ce que dans cette bicoque, autour de cette misérable table, M. Charlemont se pencherait vers elle, à chaque instant comme à l'heure présente, pour la complimenter sur le goût avec lequel elle avait meublé et orné sa maison, sur l'excellence de sa cuisine, sur la qualité et l'authenticité de ses vins? S'il n'avait pas été assez avisé pour prendre à l'avance ses précautions, combien leur faudra-t-il de temps maintenant pour organiser l'habit qui convenait à leur nouvelle position? Tandis que désormais elle n'avait qu'à jouir au milieu des siens du bien-être et du luxe qu'elle avait su se préparer. C'était un avenir de repos qui de ce jour commençait pour elle. Elle pouvait respirer, s'abandonner, être elle-même, faire ce qu'elle voulait, rien que ce qu'elle voulait, et cela dans une tranquillité parfaite. Plus de précautions à l'égard de celui-ci, plus de prévenance envers celui-là, maîtresse d'elle-même, de ses paroles, de ses pensées, de son humeur, bonne ou mauvaise, de son sourire comme de son ennui. Pour le moment, c'était le sourire qui épanouissait son visage. C'était en souriant qu'elle mangeait l'excellent dîner qu'elle avait fait servir, en souriant qu'elle s'adressait ou qu'elle répondait à chacun, même à Robert, triste et sombre au bout de la table. « Riez donc, » semble-t-elle lui dire, « amusez-vous, mangez bien. » Mais c'était en vain, il ne riait plus, il ne s'amusait pas, il ne mangeait guère. Il la regardait, se demandant comment elle pouvait montrer une pareille gaieté, même en la simulant, même en jouant un rôle. Pourquoi n'avait-elle pas pour lui un coup d'œil, rien qu'un seul, un éclair, dans lequel elle mettrait son âme? Mais non, elle riait, elle parlait, elle s'amusait. Et même, elle mangeait. Elle mangeait, non du bout des dents, mais pour de bon, avec un excellent appétit et aussi avec plaisir. La faim ne se simule pas avec cette facilité, et elle avait faim, cela paraissait évident. Il n'était pas le seul, d'ailleurs, qui remarqua ce bel appétit. À un certain moment, M. Amédée Charlemont se pencha vers elle. « Savez-vous que je vous admire ? » dit-il à mi-voix. « Vraiment ? » répondit-elle. Et elle eut un petit mouvement de vanité. Si peu coquette qu'elle fût, quand son intérêt n'était pas en jeu, elle ne pouvait pas être insensible aux compliments d'un homme comme M. Charlemont. « Vraiment ? » répéta-t-elle en le regardant. « Avouez que vous êtes un peu gourmande, hein ? » ?»« Je trouve la gourmandise adorable chez une femme. D'ailleurs, entre nous... » Je baisse la voix pour que mon fils ne soit pas scandalisé. Plus une femme a de vice, plus elle a de moyens de séduction. Celui-là est un de ceux que j'estime le plus. Quoi de plus gai à voir qu'une jolie petite femme qui mange bien, avec bel appétit et aussi avec jouissance. Cela m'a toujours charmé, et je ne connais rien de plus triste, que de dîner ou de souper en tête-à-tête avec une femme qui ne mange pas. Si bien disposé qu'on soit, on en arrive vite à ne pas manger soi-même. On pleurerait dans son verre. Seulement, on dit que les femmes qui sont douées de ce joli rire sont moins, comment dirais-je, sont de complexion peu tendre. Est-ce vrai? Je n'en sais rien. Comment vous n'en savez rien? Vous ne me renseignez pas là-dessus? Je ne peux pourtant pas m'adresser à Fourcy. Car pour qu'il pût me répondre, il faudrait qu'il eût des termes de comparaison, et bien certainement, ce n'est pas son cas, le brave garçon. Une place était restée inoccupée à un des bouts de la table. C'était celle d'un homme de bourse, un faiseur nommé La Parisière, qui avait été le camarade de jeunesse de Fourcy et qui était resté son ami. Ceux qui se prétendaient bien informés disaient qu'il avait même été mieux que cela, et qu'en tout cas, il continuait d'être en relation d'affaires avec Madame Fourcy, qui se servait de lui, à l'insu de son mari, pour ses spéculations et ses opérations de bourse. On croyait qu'il ne viendrait pas, lorsqu'au second service, il arriva, empressé, ému. « Eh bien, « tu es un joli garçon, » dit Fourcy, « une heure de retard. »« Il me semble que vous ne deviez pas compter sur moi. »« Et pourquoi donc ?»« Comment pourquoi ? Vous ne savez donc pas la nouvelle ?»« Quelle nouvelle ?» demanda Madame Fourcy, remarquant l'air troublé de La Parisière. « Vous n'avez donc pas été à Paris aujourd'hui ?»« Au bois de Boulogne seulement. »« Mais M. Charlemont ne vient donc pas de Paris ?»« Si, mais pas directement. J'ai déjeuné à la campagne. » « Est-ce que Paris est en révolution ? Non Paris, mais la bourse. » La justice a mis les scellés chez Henkard dans l'après-midi. Plusieurs exclamations partirent en même temps, et celle de Madame Fourcy ne fut pas la moins vive. Henkard était un financier qui avait fait depuis 2 ans des opérations considérables, jetant sur le marché des affaires de toutes sortes, un homme d'une capacité prodigieuse, disaient les uns, un grand financier qui devait accomplir des miracles, un simple banquiste, disaient les autres. « Tu sais, » continua La Parisière, que Henkard était à Londres depuis quelque temps pour arranger des combinaisons qui devaient le sauver. Eh bien, il n'a rien arrangé du tout. Il s'est brûlé la cervelle, dit-on. Ce qui n'est pas prouvé pour moi, mais ce qu'il est, c'est que la justice a mis les scellés et que toutes ces affaires ont subi une dégringolade effroyable, un vrai désastre. « Que dis-tu de cela, Fourcy ?» demanda M. Amédée Charlemont avec une certaine inquiétude, car il ne savait pas si sa maison était ou non engagée dans ce désastre. « Cela ne nous atteint en rien. J'avais pris mes précautions. » Il fit un signe à sa femme pour qu'elle ordonnât de continuer le service un moment interrompu. Mais elle ne lui répondit pas. Immobile, elle restait les yeux fixés sur la nappe, ne voyant rien, n'entendant rien.